Chapitre 3e. Je me rappelais la farouche méchanceté qu'exprimait le regard de ce jeune homme dans la cuisine, le mutisme obstiné de la servante, et il me vint la pensée, la conviction, devrais-je dire, que ces deux misérables essayaient de tuer la vieille femme, leur maîtresse. Une lutte violente continuait. Je saisis mon bâton ferré et je m'élançai vers la porte. Elle était fermée à clé. Un instant, je demeurai irrésolu. Il était clair qu'un plan avait été dressé d'avance, que toute intervention possible de ma part avait été prévenue. Allais-je donc être la seconde victime? Mon irrésolution ne dura pas longtemps. Je levai mon bâton et j'attaquai de toute ma force la porte verrouillée. Les lourds panneaux résistèrent. Bientôt je m'aperçus que mes coups résonnaient seuls dans la maison redevenue silencieuse. Le bruit s'était éteint au-dessus de moi. Une fois ou deux, je crus saisir une faible plainte, comme celle d'un animal qui souffre. Sans cela, le calme de la mort eût régné partout. J'appelais, pas de réponse. Je m'efforçais d'ouvrir les volets, avec l'idée confuse de descendre par la fenêtre. Les volets vermoulus n'étaient pas seulement fermés par le procédé ordinaire, ils étaient encore cloués. Néanmoins, je réussis à en faire sauter un, et je pus jeter un coup d'œil au dehors dans la nuit. Un nuage de poussière m'aveuglait. La lune était à peu près dans son plein, mais sa lumière ne réussissait à percer que par intervalles les nuages, entraînés rapidement du sud au nord par le fun. Ce vent terrible soufflait toujours avec une violence croissante. Outre son vacarme, j'entendais le grondement du cours d'eau principal de la vallée et le bouillonnement impétueux d'un torrent secondaire qui s'élançait du haut des rochers, tout près, derrière la maison. Non seulement le bruit de ce torrent était beaucoup plus fort qu'auparavant, mais il y avait dans sa nature même un changement particulier indiquant, je le savais par expérience, l'accroissement du volume des eaux. Je fis la réflexion que s'il devait grossir encore beaucoup, le sauvetage pourrait devenir difficile. Comme cette pensée traversait mon esprit, j'entendis au loin les accents traînants et plaintifs du cor des Alpes. La coutume, dans ces vallées, lorsque le fun persiste et que l'on s'attend à de brusques fontes de neige, est d'avoir toute la nuit, auprès des endroits dangereux tels que le confluent de deux cours d'eau, un guetteur chargé de prévenir les habitants des demeures isolées que les eaux montent à une hauteur menaçante afin que l'inondation ne les surprenne pas à l'improviste. Je compris donc la signification de ces notes plaintives. Je savais, avec quelle rapidité, incroyable pour ceux qui n'en ont pas été témoins, les plus minces ruisseaux descendus des montagnes peuvent se transformer en formidables torrents qui portent la dévastation sur les plateaux inférieurs. N'importe, je saluai l'approche du guetteur, tout messager de malheur qu'il fût, avec un sentiment de joie. Quelques minutes après, je vis la lueur d'une lanterne à une grande distance, sur la route, et le cor des Alpes résonna encore une fois, deux fois, trois fois. J'attendais, tremblant d'impatience, l'arrivée de la lanterne. Le vent et l'eau hurlaient et rugissaient l'un contre l'autre, comme deux monstres furieux qui se seraient livrés combat. Le silence de mort dans l'intérieur de la maison n'en était que plus sinistre. Quel horrible forfait avait dû s'accomplir dans la chambre au-dessus de moi. Un long frémissement parcourut tout mon corps au contact d'un insecte nocturne qui m'effleura le front. À peine si je pouvais détourner mes yeux du plafond écaillé, tant je redoutais de voir une horrible pluie rouge dégouttée par ses crevasses. Enfin, le guetteur arrivait à portée de voix. Je distinguais sa silhouette noire tranchant sur la blancheur de la route que la lune éclaira l'espace d'une minute à peu près. Je l'appelai de toutes mes forces. Il s'arrêta et dirigea vers moi sa lanterne. Aussitôt, il fit un geste de surprise. « Êtes-vous seul ? » lui criai-je. « Pourrez-vous avoir du secours ? Il faut que vous entriez, fût-ce de force. Un crime vient de s'accomplir et je suis prisonnier. On m'a enfermé dans ma chambre. » Tandis que je parlais, ma voix semblait refoulée dans ma gorge par le vent brûlant et par la poussière qui se précipitait à l'envi dans la chambre. « Comment êtes-vous entré ici ? » répliqua le guetteur en continuant à me dévisager, comme s'il ne pouvait en croire ses yeux. « Qu'importe, hâtez-vous, je suis un voyageur. Je vous dis que quelque chose d'affreux s'est passé dans la maison cette nuit. »« Quelque chose d'affreux, quoi donc ?» Les allures calmes et lentes de cet homme me mettaient hors de moi. Mes paroles paraissaient l'impressionner beaucoup moins que le fait de ma présence au corbeau. Cependant, la clarté de sa lanterne me fit voir un tuyau de gouttière qui courait contre la façade de la maison tout près de ma croisée. Ce tuyau était maintenu de distance en distance par des anneaux de bois sculptés offrant aux pieds un solide appui. En moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, J'étais descendu par là et je rejoignais le guetteur. Lorsqu'il fut au courant de ce que j'avais entendu, « Et vous n'avez rien vu ?» me demanda-t-il, se rapprochant de moi et parlant avec plus de chaleur qu'il n'en avait montré jusqu'alors. « Je vous dis que j'étais enfermé dans ma chambre. J'ai entendu des hurlements, puis un bruit de lutte. « Savez-vous ce que l'on raconte ici ?» murmura le guetteur. Et tout en parlant, il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, comme s'il eût craint d'être entendu. « On prétend que le corbeau est hanté. Plus d'un passant a entendu la nuit des voix singulières, des cris. Une ou deux fois, on en a touché un mot à la vieille. Mais il n'est pas commode de causer avec elle. Vous n'en tirerez pas une syllabe, s'il lui plaît, de ne point parler. Une rude femme. Elle est forte comme deux hommes. » Et je crois qu'elle ne craint rien ni en ce monde ni dans l'autre. » Là-dessus, le guetteur se signa d'une façon qui prouvait que pour sa part, il était moins maître de ses nerfs que la vieille aubergiste. Si la maison est hantée par de malins esprits, ce sont des esprits recouverts d'enveloppes humaines, dis-je, me souvenant des deux farouches figures que j'avais entrevues. Allons, venez, ne perdons plus de temps. Je me dirigeai vers l'angle de la maison où se trouvait le porche, et le guetteur me suivit avec quelque répugnance. Nous n'eûmes pas plutôt tourné le coin et perdu l'abri de la façade qu'une épouvantable bouffée de vent faillit me renverser. Sur ce point, le feu ne faisait rage et à ses rugissements se mêlait la voix sans cesse grossissante du torrent voisin. « Halte !» cria le guetteur, m'empoignant par ma manche. « Ne voyez-vous pas comme le Schwarzbach grossit ? Jésus-Marie, nous aurons une inondation comme il n'y en a pas eu depuis 20 ans. » Il avança sa lanterne et je vis que mon pied touchait le bord d'un véritable fleuve bouillonnant à la place même où la veille se trouvait le petit jardin. La palissade de bois avait été emportée, le flot roulait des débris, et pendant que nous regardions, le cadavre d'un animal passa devant nous. « C'est une chèvre, une de celles d'André Müller, du pâturage de Zurflou, je crois, Sainte Vierge. Si cela dure une heure encore, le corbeau aura de la peine à résister. C'est une vieille maison dans laquelle on n'a renouvelé ni un clou ni une planche depuis des années. » Sur ce, le guetteur souffla précipitamment une série de notes discordantes et plaintives. Nous attendîmes. Aucun bruit ne se fit entendre dans la maison. Aucune lumière ne brilla aux fenêtres. Rien que la lueur fugitive d'un rayon de lune sur les volets. Rien que le fracas du vent et des eaux. « Il faut frapper à la porte. Il faut l'enfoncer au besoin, » dis-je, saisissant une grosse pierre à cet effet. Le guetteur arrêta ma main. « Si le corps n'a pas réveillé les gens, aucun bruit ne les réveillera, » dit-il. « Et quant à enfoncer une porte de chêne, il ne faudrait rien moins que la force du Schwarzbach pour y réussir. Mais si nous attendons que le flot ait renversé la porte, tout ce qui vit dans la maison sera noyé, » m'écriai-je. « N'est-il pas extraordinaire que l'appel d'alarme de votre corps n'ait pas produit d'effet ? Ils doivent savoir ce que cela signifie. » »« Oui, dame, l'hôtesse du corbeau le sait bien. » Pour elle, pauvre créature, le temps est passé, j'en ai peur. Où elle pouvait entendre les bruits de ce monde, mais les autres, ce garçon, au regard féroce, la fille, l'idiot, les autres, oh, les autres ne comprendront rien. Ils resteront muets. L'eau leur arriva-t-elle jusqu'au cou? Que voulez-vous dire? Ils ne se laisseraient pourtant pas noyer. Se serait-il échappé déjà par derrière? S'échapper? Ils n'en auraient pas l'idée. Mais vous serez vite fixé à cet égard. Venez avec moi derrière la maison. Pas de ce côté. Vous auriez déjà de l'eau plus haut que la cheville.